Vivez-vous dans un univers à 11 dimensions? Existe-t-il une infinité d'univers parallèles qui répondent à des lois physiques différentes des nôtres? Le Big Bang serait-il en fait un Big Bounce, un grand rebond qui verrait l'univers s'étendre puis se contracter de manière cyclique? Toutes ces questions ont un point commun, elles sont le fruit de deux théories qui cherchent l'une comme l'autre à fonder une physique du tout. Une physique qui expliquerait avec les mêmes règles le comportement des galaxies et celui des particules. Le problème, c'est que pour l'instant, dans tous les cas, ça coince encore. La physique peut-elle tout expliquer? C'est ni plus ni moins que le casse-tête de la physique contemporaine que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Et oui, bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ce mât de cocagne donc de la physique que représente la physique du tout et ses deux principales hypothèses, la théorie des cordes et la gravitation quantique à boucle, nous avons le plaisir d'accueillir en duplex depuis les locaux de nos collègues de France Bleu Provence à Aix, Carlo Rovelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien et on peut le dire l'un des pères de l'une de ces deux théories, la gravitation quantique à boucle. Vous êtes notamment l'auteur récemment de Par-delà le visible, la réalité du monde physique et la gravité quantique aux éditions Odile Jacob. Nous sommes également ici en studio à Paris avec Pierre Vanhoff, bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, ingénieur au CEA, directeur de recherche à l'IHES, l'Institut des Hautes Études Scientifiques. Vous travaillez, vous, sur l'autre théorie d'unification de la physique, la théorie des cordes. On va examiner ces deux théories au cours de l'heure qui vient. Pour ne rien rater à cette émission, toutes les informations complémentaires que Noémie Naguet diffuse pendant l'émission sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. N'hésitez pas à nous y rejoindre. Alors, peut-être, messieurs, avant de confronter donc ces deux théories et d'expliquer pourquoi elles devraient permettre d'unifier la relativité générale et la mécanique quantique, une question toute simple pour commencer. Pourquoi vouloir finalement à tout prix unifier la physique, la relativité générale, la mécanique quantique? Les deux fonctionnent bien chacune de leur côté. Carlo Rovelli, pourquoi chercher à unifier alors que manifestement c'est quand même très compliqué? Les choses sont, comme toujours, un peu plus compliquées de comme elles apparaissent à première vue. Il y a deux problèmes différents. Un problème, c'est que nous avons une théorie de l'espace-temps, qui est la réalité générale d'Einstein, qui marche très bien, mais qui, comment elle est enseignée à l'école, aujourd'hui à l'université, aux jeunes, elle est en contradiction flagrante, comme elle est maintenant, avec la mécanique quantique. Et nous avons une théorie qui décrit les atomes, plein de choses petites, les étoiles de neutrons, plein de physique qui est la mécanique quantique, qui marche très bien, mais qui est une contradiction flagrante avec la relativité générale. Donc il y a une contradiction aux bases de la physique. C'est pas une contradiction impossible à résoudre, mais pour le moment elle est là. Donc il faut résoudre cette contradiction. Il faut comprendre comment l'espace et le temps peuvent avoir des propriétés physiques, des propriétés quantiques, ce qu'on s'attend, et de l'autre côté, comment repenser la mécanique quantique à la lumière du fait que l'espace et le temps ne sont pas ce qu'on pensait avant Einstein. Ça, c'est le problème numéro un. Le problème numéro 2, qui est séparé, il ne faut pas le mélanger, c'est chercher de faire une théorie unifiée de tout. Donc les interactions fortes, les interactions faibles, l'électromagnétisme, la gravité, et cet ancien rêve d'avoir une seule équation du monde, une seule objet qui avec lequel on peut, une seule substance, un seul champ, quelque chose, duquel déduire tout ce qu'on voit. Les deux problèmes sont un peu différents. Un est un problème de compléter une cohérence de notre description du monde. L'autre est de avoir quelque chose de unique à la base de tout. Et les deux théories dont vous avez parlé, la théorie des cordes et la théorie des boucles, se situent de façon un peu différente par rapport à ces deux problèmes. Mm-hmm. La théorie des cordes veut résoudre les deux. La théorie des boucles, c'est beaucoup moins ambitieuse et veut résoudre seulement le premier, faire une théorie quantique de l'espace et du temps. Pierre Vanov, c'est une tentation, on va dire, millénaire de la physique de vouloir tout unifier, de vouloir tout résoudre à une seule équation, à une seule façon de percevoir le monde visible et invisible tel qu'on peut l'envisager aujourd'hui. En fait, pour ce qui concerne le problème de la mécanique quantique et de la relativité, vous avez mentionné, bien la question de la compatibilité entre les deux théories est apparue tout de suite à Einstein. Et ça, c'est absolument remarquable. Parce que, donc, en 1919, il formule sa théorie de la gravitation, donc ce formalisme géométrique. Et il se rend compte tout de suite, dès 1916, il écrit que la mécanique quantique nécessite une modification de la nouvelle théorie de la gravité. Donc, en fait, donc c'est ce qu'on appelle la théorie qu'il vient d'écrire. Et son raisonnement est, comme toujours chez Einstein, un raisonnement physique. Alors, la mécanique quantique avait apporté une réponse à un problème important que les physiciens essayaient de résoudre, c'est la stabilité de la matière. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les atomes existent? Alors, de manière très simplifiée, un atome, c'est un noyau avec un électron. Et normalement, en physique classique, l'électron aurait dû être attiré par le noyau. Et donc, Cracher sur le proton, voilà, en quelque sorte, si on parle de l'hydrogène. Voilà, et normalement, les atomes ne devraient pas exister. Et la mécanique quantique a apporté un formalisme qui explique la stabilité des atomes. Mmh. Et de manière un peu, disons, générale, on explique aux étudiants que la table sur laquelle je m'appuie maintenant existe grâce à la mécanique quantique. C'est la mécanique quantique explique la stabilité de la matière. Et alors, Einstein a compris que dans le cadre de cette théorie de la relativité, eh bien, il y avait aussi un phénomène un phénomène d'attraction entre donc le noyau et l'électron, et que la gravité impliquait que l'électron devait tomber sur le noyau à cause de la théorie de la gravitation. Alors, bien sûr, l'échelle de temps était énorme, alors supérieure à l'âge de l'univers, mais pour Einstein, C'est un problème. Et donc, il dit, voilà, il faut réussir à modifier la théorie de la gravitation pour la rendre compatible avec la stabilité de la matière. Et l'infiniment petit. Voilà. Mmh. Et bon, alors lui, il aura bien sûr aussi cherché... Donc, c'est l'une des raisons, je pense, qui fait que Einstein a toujours eu des problèmes avec la mécanique quantique. C'est-à-dire, on sait que, d'abord, ça en était l'un des pères de la mécanique quantique, mais il a aussi mis à jour des paradoxes, des points subtils de la mécanique quantique. On a un peu l'impression qu'il voulait démolir cette théorie, mais en fait, ça venait de là, en fait. Je pense qu'il voyait qu'il y avait une difficulté entre ces théories. Et également, Einstein avait un esprit synthétique et il a passé une grande partie de son activité scientifique, après la découverte de la relativité, à essayer d'unifier justement les lois de la physique en se basant sur l'apport de la relativité dans un cadre géométrique, parce que c'était le cas depuis ses 10 ans. Bon, il n'y est pas arrivé, mais bon, ce qu'on fait aujourd'hui est l'héritage un peu de ce qu'Einstein a commencé. Alors, il faut dire que il y a beaucoup donc de physiciens ont essayé hein, tout au long du XXe siècle de transposer les règles de la relativité générale en physique quantique. Alors, avec un succès parfois, enfin un peu problématique, disons qu'on arrive à quantifier une partie de la physique des particules, mais on n'arrive pas à tout quantifier. Il y a un problème qui reste. Carlo Rovelli, vous pouvez peut-être nous expliquer ça et qui est l'un des nœuds gordiens de ce problème d'unification de la physique autour de la gravité. Hein. La gravité se comporte pas comme les autres trois forces. Il y a 4 forces fondamentales. La gravité, elle se comporte un peu différemment. Oui, elle se comporte un peu différemment dans le sens que... Elle se laisse pas quantifier. Oui, nous avons une description de la matière, donc des électrons, des protons, et des forces électromagnétiques, les forces nucléaires, la force forte, qui est dans le cadre de la mécanique quantique. Nous savons que tous les phénomènes de la matière et de ses forces sont bien décrits par la mécanique quantique, ont des propriétés quantiques. Les physiciens sont convaincus que la mécanique quantique est, au moins à l'état actuel de notre connaissance du monde, la meilleure mécanique possible, la description complète des interactions et des objets dont le monde est fait. On va rappeler juste rapidement qu'il y a quatre forces principales. Il y a ce que vous venez d'évoquer, la force électromagnétique, l'interaction forte, l'interaction faible et la gravité. C'est les quatre forces fondamentales de la physique des particules, de ce qu'on appelle le modèle standard. Oui, de ces quatre, deux aujourd'hui on les comprend comme deux aspects différents de la même force, les forces électromagnétiques et les forces faibles. Donc ça s'appelle la théorie électrofaible. Ce sont deux aspects d'une seule force, d'une seule interaction qui est portée par des particules élémentaires qui sont échangées entre les constituants élémentaires de la matière. La force forte, elle n'est pas unifiée avec les autres, mais nous avons une théorie qui est cohérente avec les autres. Donc, nous avons une théorie qui s'appelle le modèle standard, qui est une théorie quantique, qui comprend de la force forte, qui est la force nucléaire, celle qui tient les protons unis, les quarks unis dans les protons et les protons unis dans les noyaux des atomes. Qui comprend la force électrofaible et qui comprend la matière, les fermions et donc les électrons, les particules desquelles est fait la matière. C'est ce boson standard, c'est ce modèle standard qui a été complété quand on a découvert le boson de Higgs. Il manquait que ce boson pour compléter, que ce modèle standard tienne et soit carré et solide. Le moteur standard avait été écrit il y a des dizaines d'années et pour que ce soit cohérent, il fallait qu'il existait ces étranges particules, ces étranges champs et donc ces étranges particules qui est la particule de X qu'on s'attendait du point de vue théorique qui devait être là pour cohérence et ça a été un succès énorme de la physique théorique, un autre succès énorme si je peux dire de la physique théorique après une longue série qu'effectivement il était là et donc on l'a trouvé grosso modo où on s'attendait de le retrouver. Donc le modèle standard c'est un succès incroyable de la physique. Le boson de X c'est le dernier morceau du puzzle. À côté de ça, il y a ce que vous avez appelé la quatrième force, l'autre force, qui est la gravité, que vous connaissez très bien. C'est celle qui nous fait tomber la pomme sur la tête, par terre, la pomme, ou qui fait tourner la lune autour de la Terre, qui est très bien décrite, non pas par la vieille théorie de Newton. Qui est valable seulement de façon approximée, seulement pour les choses qui ne vont pas trop vite, mais qui est très bien décrite par la théorie d'Einstein, donc par la réalité générale d'Einstein, de façon incroyable. Sauf que, comme Pierre a dit super bien, Einstein, le premier, de suite, avant même d'écrire les équations de sa théorie, quand il était en train de travailler pour la mettre en place, il s'est rendu compte que sa théorie, quelques mois après avoir écrit, parce qu'il les a écrits en 1915. Donc en 1916, déjà, quelques mois après avoir écrit les équations de cette théorie, il dit que ces équations ne sont pas la description finale du monde pour ce qui concerne la gravité, parce qu'il y a un problème. Et le problème, c'est qu'ils ne sont pas cohérentes avec la mécanique quantique. Donc il y a un problème sérieux à la base de la physique. Moi, je dis, souvent, les étudiants de physique qui viennent à nos cours, non, nous enseignons à l'université, ils doivent penser que les enseignants sont des crétins ou ils ne se parlent pas. Parce que le matin, ils écoutent des cours dans lesquels le monde est quantique, fait des quantas discrets qui sautent d'un à l'autre avec la probabilité. Et l'après-midi, ils vont à un cours de relativité générale où il n'y a pas de quantas, tout est continu, tout est lisse, l'espace est courbe. Donc c'est un autre monde. Il faut préciser aussi, Carlo Rovelli, que c'est la relativité générale et la mécanique quantique, en termes mathématiques, s'écrivent dans des langages très très différents, sont décrits de façon très différente par Exactement, les mathématiques. Très bien. Très bien. C'est un langage très différent, une description, une vision du monde très différente. Chacune des deux, c'est ça un peu le paradoxe à la base de la physique contemporaine d'aujourd'hui. Tous les deux ont eu des succès incroyables parce que la relativité générale a prédit, avant qu'on le voit, les trous noirs, les ondes gravitationnelles, la déflexion de la lumière par le soleil, l'expansion de l'univers, le Big Bang, toute une série de phénomènes incroyables, qui étaient incroyables avant et qui ont été observés. Tout vérifié. A posteriori. A posteriori. Et de sa partie, la mécanique quantique et tout ce qui va avec, les théories quantiques avec, on prédit aussi des phénomènes comme l'entanglement, comme on dit en français, l'intrication. l'intrication quantique, merci, et plein d'autres phénomènes que ce semblait très très étrange et qui ont été vérifiés. Donc on a des théories très très très très bonnes qui décrit le monde de façon qui aucune des deux pour le moment n'a été pris un défaut et qui disent des choses différentes sur le monde qui au moins aux premières vues ils semblent complètement incompatibles. Ça c'est le problème de la gravité quantique. Pierre Vaneuve, le problème de la, c'est que encore une fois voilà, tout ça ça marche très bien chacun de son côté mais il y a la gravité qui elle ne peut pas passer d'un état à l'autre. Alors la gravitation en fait ou la gravité c'est quelque chose très particulier parce que c'est la force la plus banale, c'est-à-dire n'importe qui commence à marcher fait l'expérience de cette force-là. Et dans l'histoire de l'humanité, c'est aussi l'une des premières forces que les Grecs ont pu en faire l'expérience. Et paradoxalement, les forces électriques, les forces magnétiques et puis les différentes forces de cohésion internes des noyaux ont été découvertes très tard et très rapidement on a réussi à donner une explication théorique de ces forces-là. Alors la gravité a, par rapport aux autres forces dans la nature, en fait, la propriété suivante que toutes les masses s'attirent. C'est-à-dire il n'y a pas de masse négative. Donc on ressent l'effet de la gravité à toute distance. Et il n'y a pas moyen de pouvoir se protéger de l'effet de la gravité. En physique, on a l'habitude de raisonner avec des échelles de grandeur, donc de penser qu'il y a l'échelle atomique, il y a l'échelle terrestre, il y a l'échelle galactique. Et puis, quand on est à une échelle donnée, on peut négliger certains phénomènes. La gravité, elle, agit à la fois à l'échelle de l'univers, puisque elle décrit la cosmologie. Elle, bien sûr, régit l'évolution des planètes. Mais aussi, elle agit à nos échelles humaines et puis à l'échelle subatomique. Donc, dès que vous essayez d'écrire une théorie de la gravité quantique, vous modifiez ces propriétés-là. Et c'est-à-dire que vous affectez la physique à de nombreuses échelles, alors que ce soit l'infiniment petit et l'infiniment grand. Alors, on pourrait se dire, bon, les difficultés théoriques dues à la gravité quantique, ce sont des difficultés du monde subatomique de l'infiniment petit. En fait, c'est pas vrai parce qu'il y a des conséquences à des échelles macroscopiques et c'est ça qui fait qu'on est un peu tiraillé entre différentes contraintes. Néanmoins, on peut essayer de faire l'hypothèse que la force de la gravitation est similaire aux autres forces qu'on a su décrire. Donc par exemple, on dit que la force électrique est le résultat de l'existence d'un champ électrique. Ce champ électrique est la manifestation de rayons lumineux de la lumière. La lumière, ce sont des champs électriques et des champs magnétiques. Et donc, la physique théorique moderne, dans le formalisme qu'on utilise pour faire les prédictions qui sont vérifiées dans les accélérateurs de particules, utilise une particule qu'on appelle le photon. Qui est le grain élémentaire de lumière. De lumière. Et qui d'ailleurs a été, c'est surtout issu des travaux d'Einstein. Et donc on peut faire l'hypothèse que la force de gravitation est médiée par un grain quantique qu'on appelle le graviton. Et donc ça semble être naturel dans le cadre d'un formalisme actuel, d'une théorie, de ce qu'on appelle la théorie des champs, qui est validée pour les autres forces dans les accélérateurs de particules. Et on peut, dans ce formalisme, essayer de faire des prédictions. Alors, il y a pour les 100 ans du papier d'Einstein, avec mes collègues, dont l'arrière-petit-fils de Niels Bohr, on a calculé les effets, dans ce cadre-là, des corrections quantiques au calcul historique d'Einstein de la déviation des rayons lumineux par le Soleil. Alors, le calcul peut être fait, il y a une prédiction qui peut pas être vérifié expérimentalement parce que c'est extrêmement faible, mais néanmoins, on peut faire, en faisant cette hypothèse de l'existence de cette particule de masse nulle qu'on appelle le graviton, essayer de faire des prédictions qu'on peut essayer de vérifier aux échelles macroscopiques. Graviton qui serait donc l'incarnation de cette force de cette la gravité force. Qui ne répond pas, qui n'arrive pas à être quantifiée, qui n'arrive pas à être transférée en mécanique quantique. Ce qu'on fait, c'est qu'on le quantifie selon un schéma donné, mais à savoir, est-ce que c'est la bonne chose à faire. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben, ça ne pourrait être que justifié que comme on a justifié la mécanique quantique et la théorie des champs, c'est-à-dire par des expériences qui valident nos résultats. Observationnels. Donc là, ici, ce qu'il faut faire, c'est faire des calculs pour les valider. Donc, on a fait le premier calcul de ce genre de choses pour ce qui est de la déviation de la lumière dans, justement, cette optique-là. Et bon, voilà où on en est un peu aujourd'hui. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h20, vous écoutez France Culture. Nous parlons de physique aujourd'hui, de physique théorique et d'unification de la physique du tout. Je le disais tout à l'heure, ce mat de cocaïne de la physique contemporaine, nous en parlons en duplex depuis France Bleu Provence à Aix avec Carlo Rovelli et ici à Paris avec Pierre Vanhove. Maintenant, qu'en 20 minutes, puisqu'il est déjà 16h20, vous avez absolument tout compris à la relativité générale, à la mécanique quantique et aux raisons pour lesquelles elle ne fonctionne pas très bien toutes les deux. Voyons la première des deux théories d'unification, la théorie des cordes. Je me retourne vers vous, Pierre Vanhove, puisque c'est vous qui travaillez sur cette théorie. Carlo Rovelli, on en parlera tout à l'heure, c'est plus la gravitation quantique. Alors, qu'est-ce que c'est que la théorie des cordes? Comment est-ce qu'elle est née, cette théorie? Alors, la théorie des cordes est née de l'expérience. Alors, on a tendance à l'oublier. Dans les années, la fin des années 60, des années 70, il y avait des expériences qui essayaient de déterminer la structure des noyaux atomiques. Et les expériences indiquaient que les noyaux étaient composés de quelque chose. Mais curieusement, donc contrairement à ce qui s'était passé avant, donc avant on prenait la matière, on pouvait la casser en des cristaux, puis après il y avait les atomes, et puis les atomes on pouvait séparer l'électron du noyau, donc on pouvait isoler les différents constituants de l'atome. Pour le constituant du noyau, il y avait le problème qu'on n'arrivait pas à séparer les constituants du noyau, et pourtant des expériences indiquaient qu'il existait quelque chose dans le proton, dans le neutron. Qui sont les constituants du noyau. Et en regardant les données, les gens ont eu l'idée que, en fait, les constituants du proton, par exemple, qu'on appelle maintenant des quarks, étaient liés entre eux par une sorte de ressort tel que si on essaye de séparer les quarks, c'est-à-dire on doit tirer sur le ressort et puis au bout d'un moment le ressort se casse et au bout du ressort se recréent des quarks et donc finalement on n'arrive jamais à isoler un seul quark. Et donc cette théorie des ressorts a donné donc été formalisée en quelque chose qui a ressemblé à une première version d'une théorie de cordes. Et différentes étapes et différentes évolutions, a donné la théorie des cordes telle qu'on l'utilise aujourd'hui. Donc il y a eu. Donc ça, ce que veut dire, c'est que cette première théorie physique des cordes, elle a abouti à complètement autre chose, qui est en fait l'interaction forte. C'est qu'en fait, c'est ce qu'on disait dans les quatre forces, l'électromagnétisme, l'interaction forte, l'interaction faible et la gravité. Finalement, c'est la théorie des cordes, ça a été une première tentative d'explication de l'interaction forte à l'intérieur du noyau atomique. La composition du proton, on est amené une théorie de cordes. Et le modèle s'est trouvé intéressant. Et puis, en regardant ce modèle pour s'assurer qu'il colle au plus près aux autres propriétés des physiques des particules, on a dû le modifier. Et par accident, en quelque sorte, Joël Scherck, un chercheur qui était à l'École normale à Paris, et puis John Schwartz aux États-Unis, ont remarqué que cette théorie des cordes prédit une particule nouvelle de masse nulle, qui est ce graviton que j'ai mentionné il y a quelques minutes. Qui serait l'incarnation, la quantification de la gravité. Voilà, c'est ça. D'un modèle qui était a priori juste un modèle de la cohésion de la structure interne du proton et des neutrons, on est arrivé à concevoir la possibilité d'avoir un modèle qui contient aussi la gravitation. Et c'est venu comme ça, en fait. C'est pas qu'on a cherché les cordes pour construire une théorie de la gravité. Et donc, à partir de là, la théorie des cordes s'est développée en un formalisme pour l'unification des forces, parce que l'interaction forte était dès le départ là, plus la gravité quantique, et dont sa manifestation est ce graviton dont j'ai parlé à l'instant. Parce que quand on parle de physique du tout, on parle aussi de gravité quantique, c'est à peu près similaire. Alors en fait, dans cette théorie, Pierre Vanov et Carlo Rovelli, vous intervenez quand vous voulez, hein, je veux pas vous laisser de côté, même si vous êtes loin de nous physiquement, restez près de nous par la pensée. C'est une corde donc qui remplacerait tout l'arsenal des particules, les bosons, les fermions, les muons, d'un seul coup, en dessous, à l'échelle en dessous, en fait, si on regarde de plus près, au lieu de voir une particule, on verrait une petite corde repliée sur elle-même, c'est ça ? Oui, c'est ça, en fait. Donc la théorie des cordes fait l'hypothèse que les particules élémentaires sont les modes de vibration de cette corde. Alors, une corde qui vibre, hein, comme un violon par exemple, voilà, ça vibre, voilà, là, donc, c'est une corde repliée sur elle-même qui vibrerait de façon différente et en fonction de sa vibration, elle aurait différents types de propriétés. Les cordes peuvent être repliées sur elles-mêmes, c'est-à-dire fermées ou comme un lacet ouverte, mais donc nous, dans cette pièce-là, la matière est composée d'électrons, de noyaux avec des protons et des neutrons, donc on ne voit pas les cordes. Mais c'est un peu comme si vous aviez en fait un violon extrêmement petit dont on entend les notes mais on ne le voit pas. Ça c'est tout à fait concevable, hein. Vous savez, le son peut se propager au-delà de ce qu'on. On est bien isolé, voilà. On est dans un studio de radio, donc il se propage moins bien. Mais ça c'est une autre question. Donc c'est ça l'idée. Donc mais c'est quand même une hypothèse assez forte. Et donc on a essayé de pousser cette idée jusqu'au bout. Alors. La théorie des cordes est une théorie quantique et comme c'est une théorie quantique, elle amène avec elle un certain nombre de contraintes pour être une théorie quantique bien définie et en particulier les dimensions supplémentaires. Donc vous posiez la question au début, est-ce qu'on vit dans un monde en dimension 11 ? Ben, ça c'est une conséquence de la quantification de la théorie des cordes. Donc ces choses-là qui viennent de la quantification de la théorie des cordes sont des prédictions. Donc il y a beaucoup de prédictions, des dimensions supplémentaires, puis d'autres choses, qui normalement devraient pouvoir amener à extraire une physique nouvelle de cette théorie. Alors, on a beaucoup travaillé, enfin les gens travaillent d'ailleurs toujours beaucoup sur les enseignements de la théorie des cordes, parce que ça donne une vision différente de l'approche du monde quantique qu'on avait avant, et en particulier aussi des problèmes de gravité quantique. On n'a toujours pas réussi à confirmer ces prédictions par l'observation ou par les expériences, mais voilà, donc c'est. Alors, vous venez de le dire, Pierre Vanov, il y a plusieurs paramètres à cette théorie des cordes. Vous l'évoquiez, pour qu'elle fonctionne, il y a une anomalie. Alors, on va pas rentrer ici dans les détails, mais il y a une anomalie qui fait que la théorie des cordes ne peut fonctionner. Elle ne fonctionne pas dans un monde en quatre dimensions. Il faut qu'il y ait plus de dimensions que cela, des dimensions supplémentaires. Et il y a un modèle qui fonctionne. Théorique, en tout cas, qui fonctionne plutôt pas trop mal. C'est un modèle à 11 dimensions, arrêtez-moi si je me trompe, 10 plus le temps. Le problème, c'est que nous, on vit dans un monde à 3 dimensions, 3 plus 1, 4 avec le temps. Donc, il y a 6 dimensions de trop, et ces 6 dimensions, il faut bien savoir où elles se trouvent et où elles se cachent en l'occurrence. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas. Vous êtes précisément allé à la rencontre d'un cordiste, donc d'un physicien théoricien des cordes, à la recherche des dimensions perdues. Dimensions plutôt cachées, je dirais, ou en tout cas qui échappent à nos sens. Alors classiquement, comme vous l'avez dit, on évolue dans un monde à 4 dimensions, 3 dimensions d'espace selon l'axe X, Y, Z, plus une dimension du temps. Largeur, hauteur, longueur, pour traduire dans les termes courants. C'est ça. Mais dans le monde des cordistes, il faut invoquer des dimensions supplémentaires, des dimensions qui seraient repliées en quelque sorte dans des géométries plus complexes. Amir Kian Kachani-Pour est un cordiste justement, il travaille au laboratoire de physique théorique de l'ENS. Il m'a expliqué à quoi ressemblent ces géométries en question et cela va vous demander un petit effort intellectuel. Un aspect de la théorie des cordes qui peut être un peu étonnant, c'est le fait que la théorie des cordes prédit qu'il y a plus que 4 dimensions de l'espace-temps. 11, c'est ça? 10 ou 11, après ça, ça dépend de la version de la théorie. Peut-être il faut se rappeler déjà l'espace-temps dans la vie quotidienne. On a 3 dimensions spatiales. Donc, si je veux vous décrire comment sortir de ce bâtiment, il faut suivre le couloir, après tourner à gauche jusqu'à l'escalier, ça fait 2 dimensions spatiales. Après, il faut descendre les escaliers, ça fait 3 dimensions spatiales. Et c'est difficile à imaginer comment on pourrait avoir plus que ces 3-là. Après, Einstein nous a expliqué qu'en fait, c'est une bonne idée de aussi compter le temps comme dimension, et ça fait 4. Où sont les autres dimensions supplémentaires de la théorie des cordes? C'est Einstein, de nouveau, qui nous rend la solution. Comment on pourrait imaginer ces dimensions supplémentaires? Et en fait, on sait depuis lui que l'espace-temps a une géométrie non triviale dans laquelle se manifeste la gravitation. Et une fois qu'on a compris que l'espace-temps peut avoir une géométrie non triviale, c'est pas difficile d'imaginer que les dimensions supplémentaires sont pas étendues, mais ils sont des petites boucles qui ne sont pas observables à énergie basse dans la vie quotidienne. Pour nous, ça dépasse un peu notre entendement, ça échappe un peu à nos sens. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut résoudre avec nos outils de la vie quotidienne. Il n'y a pas une contradiction manifeste entre la prédiction d'avoir plus de dimensions supplémentaires et les observations, mais quand même, c'est un peu bizarre d'introduire un concept et après essayer de le cacher dans des petites boucles. Mais en fait, les dimensions supplémentaires, ils ne sont pas du tout cachés. Ils déterminent les propriétés du monde quatre-dimensionnel dans lequel on habite. En particulier, ils déterminent les charges, les masses, même les nombres des particules élémentaires qu'on peut observer. Et donc, pour donner un exemple, disons qu'on a une dimension supplémentaire qui est un cercle. Donc, changer le rayon de ce cercle, ça va changer la masse que la théorie des cordes prédit pour une particule élémentaire. Et donc, normalement, on a affaire avec des géométries beaucoup plus compliquées qu'un cercle. Et en analysant ces géométries-là, on peut sortir, par exemple, les degrés de liberté d'un trou noir. Okay? Donc, dans un certain sens, la théorie des cordes géométrise la physique. Donc, la physique devient géométrie. Et donc, ma recherche, pour une partie, consiste à décoder la géométrie pour en découvrir des propriétés physiques. Voilà, la théorie des cordes géométrise la physique, Pierre Vanov. Ça veut dire que si on devait résumer pour visualiser un peu le problème de ces 6 dimensions supplémentaires, ça voudrait dire qu'il y aurait finalement partout autour de nous des espaces minuscules que nous ne percevons pas, repliés avec 6 dimensions. C'est une conception complexe à identifier, très théorique, mais qui valide ce modèle. Alors oui, ça fait partie de l'élégance de la théorie des cordes, et qui d'ailleurs est dans l'héritage direct de ce qu'Einstein nous a donné avec cette très belle théorie géométrique de la gravité, qui est que penser une particule, c'est-à-dire penser un objet qui a une masse, une charge, et puis une certaine façon d'interagir dans le monde où on est, ce code part des données purement géométriques d'angle de cercle. Alors, ces dimensions supplémentaires, justement, elles peuvent... donc c'est extrêmement important parce que la théorie des cordes ne peut pas vivre sans elles, donc on les recherche. Mmh. Il y a des recherches dans les accélérateurs, on fait des tests, et on essaie de mettre des contraintes sur leur taille. Et alors, la notion de dimension supplémentaire existait quand même déjà un peu avant la théorie des cordes. Il y a par exemple des gens comme Henri Poincaré se posaient la question: qu'est-ce que l'espace? C'est-à-dire pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans un espace à 3 dimensions? Donc il explique que la façon dont notre corps fait l'expérience de l'espace nous fait voir 3 dimensions. Mais surtout, ce qui est le plus remarquable, c'est que c'est Kant qui avait compris que la loi de la gravité écrite par Newton était symptomatique d'un espace à 3 dimensions. C'est-à-dire qu'il avait fait le lien entre... Donc, ce que Newton dit, c'est que la force entre deux masses dépend de l'inverse de la distance au carré. Mm-hmm. Donc, ce carré, ce que Kant avait compris, c'est que c'est 3 moins 1. Et le 3, ce sont la hauteur, la largeur et la profondeur. Mmh. Donc, il y avait déjà chez Kant, et c'est bien sûr bien avant la théorie des Kant, cette compréhension que force et nature de l'espace, en particulier les dimensions, sont liées. Donc la théorie des cordes, ayant l'ambition d'unifier toutes les forces, bien sûr, fait quelque chose à l'espace. Et donc, yes, on ne peut pas séparer les deux. Pour conclure un mot, et je sais que c'est très compliqué de résumer à ce point-là une théorie aussi riche et effectivement aussi séduisante, mais il faut garder du temps pour l'autre théorie, la théorie concurrente, dont on va parler dans un instant avec Carlo Rovelli. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces espaces de six dimensions qui seraient disséminés partout et dont nous n'avons pour le moment pas d'observation directe, en tout cas qui sont prévues par la théorie des cordes, elle suppose du coup l'existence de ce qu'on appelle en science-fiction le multivers, c'est-à-dire l'existence de milliers d'univers parallèles qui répondraient à des lois physiques différentes. Oui, alors ça c'est une prédiction de la théorie des cordes, de certains modèles de théorie des cordes. Ça c'est vu par certains comme quelque chose de très positif. De très exotique aussi. De très exotique, par d'autres, un peu comme la fin de la théorie des cordes, parce que, c'est-à-dire ça, on perd par là la possibilité de prédire pourquoi est-ce que l'univers dans lequel on vit est comme il est, ou on pourrait perdre cette prédiction, enfin en tout cas, la théorie des cordes, normalement, devrait pouvoir expliquer finalement, puisque les multivers sont liés à la notion de Big Bang et de pourquoi l'univers est tel qu'il est. Donc la théorie des cordes essaie d'apporter des réponses à ces questions, mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse admise communément par la communauté. Donc c'est-à-dire que ça reste toujours un sujet de débat, et les multivers restent quand même un sujet assez épineux et qui ne plaît pas à tout le monde. Voilà. Méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est déjà 16h38 sur France Culture. Nous parlons de physique aujourd'hui dans la méthode scientifique, de la physique du tout et des deux théories qui tentent d'unifier tant bien que mal cette physique irréconciliable. Nous en parlons ici avec Pierre Vanhove, physicien ingénieur au CEA et enseignant à l'IHES, et avec Carlo Rovelli qui est en duplex avec nous depuis les locaux de France Bleu Provence à Aix. Carlo Rovelli qui est physicien et qui est l'un des pères de la théorie concurrente à la théorie des cordes dont nous venons de parler, puisque maintenant que vous avez non seulement tout compris à la relativité générale, à la mécanique quantique, à la nécessité de construire une théorie du tout et au potentiel et peut-être aux faiblesses même de la théorie des cordes. On va attaquer donc sa grande concurrente, la gravitation quantique à boucle avec vous, Carlo Rovelli. Alors, est-ce que je me trompe si je dis que, comme on vient de l'entendre avec Pierre Vanov, que la théorie des cordes est une sorte en fait d'extension de la physique des particules à la relativité générale, de la physique quantique à la relativité générale. À l'inverse, la gravitation quantique à boucle est une extension de la relativité générale à la mécanique quantique. Donc, vous ne vous trompez pas, au contraire, je pense que vous prenez un peu le centre du problème. La gravité quantique à boucle est née et a prendu de l'ampleur de plus en plus parce que elle attaque des problèmes un peu différents que la théorie des cordes et un peu née des faiblesses de la théorie des cordes que Pierre auquel Pierre faisait référence il y a quelques moments, les multivers, les dimensions supplémentaires. La théorie des cordes a eu un moment de grand enthousiasme où la communauté théorique l'a un peu embrassée dans les années 80. Quand elle a fait des énormes promesses, les promesses de calculer toutes les choses qu'on n'arrivait pas à calculer, de calculer les paramètres du modèle standard, prédire des particules qu'on aurait dû voir à Genève, à l'LHC, qu'on n'a pas vu. Le grand accélérateur de Hadron, le grand collisionneur de Genève. Le grand accélérateur, on s'attendait de voir des particules supersymétriques qui étaient suggérées par la théorie des cordes, qu'on n'a pas vu. On s'est attendu de voir des effets de ces dimensions supplémentaires qu'on n'a pas vu. La théorie des boucles est née un peu par l'idée que si on veut tout, on n'arrive à rien. Donc peut-être l'espoir de faire la théorie finale de tout on n'est pas capable. Les hommes ont souvent cherché de faire la théorie finale de tout, ne sont jamais y arrivés. Peut-être le problème de la gravité quantique peut être, on peut faire face au problème de la gravité quantique en cherchant de faire la gravité quantique et pas la théorie de tout. Ça c'est un peu le point de départ de la théorie des boucles. Et comme vous avez dit, la théorie, au lieu de partir de la physique des particules élémentaires, elle part de la gravité générale. Donc, pour dire en deux mots qu'est-ce que c'est la théorie des boucles, permettez-moi de revenir à la relativité générale, ce que disait Pierre. Je vous permets tout. Allez-y. Je vous permets tout. Donc, l'idée centrale de la physique moderne, c'est qu'il y a des champs. Il y a les champs électriques, les champs magnétiques, même les autres forces sont décrites par des champs, même les électrons. Il y a un champ qui s'appelle le champ de Dirac qui décrit les électrons. Donc tout ce qu'on voit, c'est l'effet des champs. Les particules sont des quanta, des graines de ces champs. Les photons, c'est la granularité du champ électrique, électromagnétique. Donc la gravité elle-même a un champ qui est le champ gravitationnel. Et ce qu'Einstein a fait, c'est écrire la théorie du champ gravitationnel. Mais Einstein a eu une idée extraordinaire à laquelle Pierre faisait référence que... Aussi l'espace-temps. L'espace et le temps. Donc la dynamique du champ gravitationnel, comment bouge le champ gravitationnel, c'est comment bouge le champ et le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple que mon horloge peut aller plus vite ou moins vite, ça dépend de comment change le champ gravitationnel. Si je vais à la montagne, mon horloge va un peu plus vite que à la mer. La distance entre Marseille et Paris, entre nous, peut changer s'il y a une onde gravitationnelle qui passe. On est à 900 km, si une onde gravitationnelle passe, on sera à 900 km plus une fraction de millimètre et moins qui oscille. Donc il y a l'espace-temps lui-même qui est le champ gravitationnel. Alors, si on fait la théorie quantique du champ gravitationnel, ça veut dire faire la théorie quantique de l'espace et la théorie quantique du temps. Et c'est ça qui fait la théorie des boucles. La théorie des boucles est arrivée à écrire des équations. C'est une théorie avec des équations claires, des principes clairs, tentatifs évidemment. On n'a pas de loin encore vérifié. Il n'y a pas d'observation comme la théorie des cordes. Ça pour le moment, c'est zéro partout. Donc on est dans le domaine des tentatives, de l'hypothèse des de pensée. Efforts pour comprendre. Oui, évidemment, avec un gros effort de tous les côtés de chercher des vérifications, de chercher des signes par la nature qui puissent nous dire oui ou non. Alors qu'est-ce que ça veut dire quantifier l'espace? Ça veut dire que comme le champ électrique est quantifié et l'effet des grains des photons, l'espace lui-même peut être fait de grains. Donc, en théorie des cordes, on n'a pas un graviton qui se promène dans l'espace, mais on a l'espace lui-même qui est granulaire. Et on fait des calculs, on part des équations de base de la gravité et de la mécanique quantique, on fait des calculs, et on calcule ces graines d'espace. Donc il faut imaginer l'espace dans lequel nous vivons, donc cette table, cette chose trois-dimensionnelle. Que nos auditeurs voient quand ils regardent autour d'eux, tout simplement. Voilà, tout ce qu'il y a autour de nous. Si on imagine d'enlever l'air, enlever ce qu'il y a, c'est qu'il reste l'espace. Bon, cet espace est comme un t-shirt, n'est pas continu, mais si la théorie des boucles est correcte, a une granularité, a une structure à très petite échelle qui est fait des quantas d'espace. Donc la théorie des boucles, c'est un peu le calcul de ces quantas d'espace. On arrive à les calculer, on arrive à les prédire, et ce qu'on cherche de faire, c'est aujourd'hui de chercher des preuves empiriques, expérimentales, de l'existence de cette granularité fondamentale de l'espace. Ça veut dire que l'espace n'est plus continu, il faut... Et c'est en rupture avec quand même une théorie qui était communément admise par la physique depuis tout temps, c'est-à-dire que l'espace est continu dans la théorie de la gravitation quantique à boucle. L'espace est granulaire, il est donc discontinu et évolutif. Exactement. Dans l'Antiquité, les Grecs, Démocrite a eu l'idée que la matière soit granulaire, non, soit faite d'atomes, des morceaux qui ne peuvent pas être brisés ultérieurement, des morceaux élémentaires. Cette chose a été discutée pour des siècles, et finalement, dans le siècle passé, tout le monde s'est convaincu qu'effectivement, la matière n'est pas continue. L'eau n'est pas continue, elle est faite de molécules, et les molécules sont faites de particules à leur terme. Donc, la matière est granulaire. Mais on a pensé depuis Newton, pas avant effectivement, depuis Newton, que la matière vit dans un espace continu, est immergée dans cet espace continu. C'est Descartes qui nous a donné la façon de le décrire avec les coordonnées x, y, z, non, et qu'on étudie à l'école et qui est décrit bien par la géométrie d'Euclide, la mathématique de l'espace continu. Bon, l'idée, si on cherche de mettre ensemble la mécanique quantique et la relativité générale, ce que en découle, à croire à la gravité quantique à boucle, c'est que la géométrie d'Euclide n'est pas une description fidèle, une bonne description de l'espace, mais c'est une description approximée. Si on le regarde à très petite échelle, on commence à voir cette granularité à une échelle très petite, qui est l'échelle de Planck, l'échelle caractéristique de la gravité quantique, donc extrêmement petit, beaucoup plus petit de ce qu'on voit avec les accélérateurs de particules. Et là, il y aurait ces quantas d'espace qui sont décrits en théorie des boucles par des objets mathématiques qui s'appellent le réseau des spins. Alors, une chose peut-être pour... Alors là, on va pas rentrer beaucoup plus dans le détail parce que ça devient effectivement assez conceptuel et un peu difficile à suivre. Mais ce qui est important peut-être, vous pouvez nous expliquer pourquoi, quelle est l'importance de la boucle dans la théorie de la gravité quantique à boucle? Qu'est-ce qu'elle nous dit cette boucle? Alors, les quanta individuels d'espace, ils sont, attachés l'une à l'autre. Ils forment un réseau. Donc, on peut le visualiser, on le visualise tout le temps dans la théorie comme un réseau, des points attachés par des liens. Et chaque point est un quanta d'espace, c'est une unité fondamentale d'espace. On peut pas couper en deux un quanta d'espace. Alors, le long de ce réseau, imaginez comme la maille d'un filet de pêcheurs, mais en trois dimensions, pas en deux, on peut faire des boucles. On peut partir de l'un, aller au voisin, et après au voisin encore, et retourner au premier. Et le long d'une boucle, on peut calculer qu'est-ce qui se passe à l'espace-temps le long de ce boucle. Donc ça, c'est les utiles de base avec lesquels on fait les calculs en théorie des boucles. Le nom boucle, c'est un peu comme le nom corde, c'est un peu un nom historique, parce que le premier réseau qu'on a su construire, c'était un réseau très simple, formé d'un seul point avec une boucle, un lien qui revient à lui-même. Aussi en théorie des cordes, on parle des cordes, mais finalement on a d'autres objets que les cordes. Donc c'est un peu un homme historique. Mais le réseau, c'est les réseaux élémentaires qu'on peut faire sur le cercle élémentaire qu'on peut faire sur le réseau, qui est le réseau des quantas d'espace. D'accord. Et ce qu'il faut dire aussi, l'une des prévisions importantes et qui change beaucoup de choses de la gravité quantique à boucle, c'est que comme en fait c'est au fondement, il faut revenir au fondement fondements de la mécanique quantique, hein, qui sont les niveaux d'énergie. Les niveaux d'énergie sont quantifiés, ça veut dire que l'électron de l'atome d'hydrogène ne peut pas descendre au-dessous d'un niveau minimal d'énergie, on appelle ça le niveau fondamental. Eh bien, c'est pareil avec la densité, elle ne peut pas descendre, ou plutôt augmenter jusqu'à un niveau, elle a un niveau maximal. Or, ce qui signifie, pour juste dire un mot là-dessus, que ça détermine s'il y a un niveau de densité maximale, ça veut dire qu'au tout début de l'univers, l'univers ne s'est pas concentré en un endroit très petit, très dense, avec une densité infinie. Non, il y a un plafond, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu de Big Bang, mais un Big Bounce. C'est-à-dire que, vous pouvez nous dire un mot de ce Big Bounce, Carlo Rovelli? Oui, alors je repars de ce que vous disiez. Effectivement, le calcul de cette quantification est le même que pour les atomes. Comme les électrons dans l'atome ont des niveaux d'énergie, et on fait un calcul pour le calculer, avec un calcul très similaire, on peut calculer les niveaux d'air ou de volume. C'est comme ça qu'on trouve le volume plus petit. Le volume n'est pas continu, discret, comme le niveau d'énergie. Donc il y a un volume minimal. Et de façon similaire, il y a une comme vous disiez, une densité maximale. Elle a la plus grande densité, on ne peut pas mettre dans un volume, si je prends de la matière, je ne peux pas la mettre dans un volume plus petit que quelque chose, donc la densité est un maximum. Cela a deux conséquences, que maintenant les théoriciens sont en train d'étudier beaucoup, et l'espoir c'est que ce n'est pas seulement le théoricien, mais c'est l'expérience qui puisse nous dire quelque chose. Les deux conséquences sont l'une, qu'il n'y a pas de Big Bang, parce que le Big Bang c'est une densité infinie de l'univers. Mm-hmm. Donc quand, si je vais à l'arrière dans le temps... À 13,8 milliards d'années. De 13,8 milliards d'années, l'univers, on sait que c'était une énorme densité, très très grande, mais on ne sait pas qu'est-ce que s'est passé avant. La physique ne nous dit pas qu'il y a un Big Bang. Nous dit qu'il y a une explosion à partir de quelque chose d'horriblement, très horriblement concentré. Voilà, alors la théorie des boucles nous dit que ce n'était pas concentré à l'infini, parce qu'il y a un maximum de densité possible. De densité. Et donc on s'attend qu'il y ait quelque chose comme un rebond. Un univers précédent qui devient de plus en plus petit et qui rebondisse. Et ça, c'est l'univers que nous voyons. L'autre... effet similaire, c'est à l'intérieur des trous noirs. Et ça, c'est par exemple ce que nous sommes en train d'étudier à Marseille maintenant. On voit l'univers est plein de trous noirs. On a vu plein de trous noirs, des très grands, des petits. C'était une des grandes surprises de l'astronomie des dernières années. Donc il y a tous ces trous noirs. On sait que la matière se concentre, collapse, s'effondre, elle-même s'effondre. Et devient très très très petite, et on ne sait pas ce qui se passe à la matière qui tombe au centre. Ça s'appelle une singularité, le point central d'un trou noir, c'est une singularité, on ne sait pas ce qui s'y passe. Voilà, alors la théorie sans mécanique quantique nous dit que ça devient un point, une singularité. Mais on s'attend bien que ça c'est où la relativité générale n'est pas bon, parce qu'il y a la mécanique quantique. Donc la gravité quantique nous dit qu'on arrive à une densité maximale, et après il y a un rebond. Et on s'attend que ce rebond puisse, sur la longue distance, faire exploser les trous noirs. Et donc, le grand espoir que j'ai, que m'est fait réveiller le matin, c'est de pouvoir dire aux astronomes, écoutez, regardez, cherchez un signal comme ça, et vous allez voir l'explosion des trous noirs causée par la gravité quantique. Et si c'est le cas, ce serait un support indirect à l'idée que la théorie des boucles décrit les phénomènes quantiques de l'espace. Écoute, messieurs, il nous reste maintenant que nos auditeurs ont compris et sont tous devenus des théoriciens de la physique experts. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais que vous dialoguiez peut-être un peu l'un avec l'autre. Pierre Vanov, qu'est-ce qui vous gêne aujourd'hui, en quelques mots, dans cette théorie de la gravitation quantique à boucle? Qu'est-ce qui, pour vous, fait que votre préférence va à la théorie des cordes? Alors, moi, je ne connais pas très bien la gravité quantique à boucle, parce que pour vraiment comprendre les subtilités d'une théorie, il faut vraiment travailler dessus, et surtout que ce sont des théories dont on continue à découvrir des propriétés fondamentales. Alors moi, je vais plutôt vous dire en fait ce que j'essaie de faire sur le problème de la gravité quantique, c'est-à-dire que je m'intéresse à des propriétés universelles de la gravitation quantique, c'est-à-dire que des manifestations peut-être observables, mais en tout cas des manifestations d'effets de gravité quantique qui sont universelles dans le sens où elles dépendent pas vraiment des détails de ce qui se passe à aux très petites échelles. Donc ça aurait l'avantage d'être une façon... Voilà. Comme je connais la théorie des cordes, je travaille dans le cadre de la théorie des cordes, mais une façon de valider l'hypothèse de la gravité quantique un peu indépendamment de celle de la théorie des cordes. Bon. Néanmoins, la théorie des cordes est une approche extrêmement différente de la gravité quantique à boucle. Mais il y a aussi des points qui sont assez similaires, dans le sens, donc vous parliez de cette densité maximale. En fait, la théorie des cordes aussi dit que n'existe pas de point, c'est-à-dire de singularité. Le problème de ce qui se passe dans le trou noir, de ce qui se passe aussi au Big Bang, ce sont des questions que les cordistes étudient. Donc Carlo mentionnait en fait ses travaux et disait que voilà, il a l'espoir que les prédictions de sa théorie seront vérifiées. Ben les cordistes travaillent aussi là-dessus, et donc c'est ça en fait l'ambition des cordistes, c'est d'essayer de faire une prédiction qui sera discriminante, et on saura après quelle est la théorie qui apporte la bonne description. Carlo Rovelli, pour conclure, quel est pour vous le point de faiblesse, le point faible, le talon d'Achille de cette théorie des cordes qui fait qu'à votre avis, elle ne sera jamais confirmée par l'observation? Pierre Van Hove a parlé au début de calculs récents qu'il a fait sur les corrections quantiques à la déflexion de la lumière, où il utilise des techniques de théorie des champs. Et ça me semble un bon exemple des choses que beaucoup des gens qui ont travaillé longuement sur la théorie des cordes sont en train de faire. C'est un travaux très beau de physique théorique vers la gravité quantique, que exactement comme disait Pierre, finalement ne dépend pas beaucoup de la théorie des cordes. Moi, je pense que la théorie des cordes était une très belle, une généreuse et forte, une tentative qui a soulevé de grands espoirs, comme j'ai dit, dans les années 80, mais ces espoirs ont été tous déçus. On n'est pas arrivé à faire les choses qu'on s'attendait dans les années 80. On n'est pas arrivé à calculer les paramètres du modèle standard. Et surtout, très récemment, il y a eu la grande déception de la supersymétrie. Alors, la supersymétrie était suggérée très fortement par la théorie des cordes. On ne l'a pas trouvée là où on s'attendait. Donc, la nature a un peu dit non. Dans les accélérateurs de particules, on estime qu'aujourd'hui, les grands accélérateurs de particules ont une énergie suffisante qui aurait dû prouver l'existence de ces molécules supersymétriques. On y a cru l'été dernier quand on a annoncé l'existence d'une particule X, et finalement il s'avérait que c'était une erreur de calcul. Exactement. Alors cela ne prouve pas du tout que la théorie des cordes est fausse, pas du tout. Mais ça a enlevé beaucoup de l'enthousiasme. Mais la plupart des théories, des gens qui font théorie des cordes, aujourd'hui je pense considèrent la théorie des cordes un peu comme un grand... ensemble d'utiles mathématiques avec lesquels on peut faire d'autres choses. Donc la théorie des cordes est devenue un peu une espèce de vieux monument ancien. On utilise les pierres pour faire d'autres choses. Mais l'espoir que cette très grande construction, très baroque, avec plein de champs, plein de particules, de dimensions supplémentaires, de multi-univers, c'est un peu trop. Je pense que de plus en plus des théoriciens n'y croient plus et cherchent par contre d'utiliser les riches instruments qui ont été développés dans la théorie des cordes pour faire d'autres choses comme Pierre est en train de faire. Eh bien écoutez, on verra peut-être pas d'ailleurs, on verra en tout cas. Merci beaucoup messieurs, tous les deux, Carlo Rovelli, Pierre Van Hove, d'avoir accepté notre invitation pour débattre et expliquer ces deux théories qui tentent d'unifier la physique moderne. Comme toujours, évidemment, hein, pour nos éditeurs, vous pouvez réécouter, podcaster cette émission sur le site de France Culture sur la méthode scientifique. Je rappelle également, pour aller plus loin et pour compléter cette émission, certains de vos ouvrages, Carlo Rovelli, Par-delà le visible, la réalité du monde physique et la gravité quantique chez Odile Jacob, également cette brève leçon de physique, un petit prétit de physique à destination du grand public, très bon ouvrage de vulgarisation également chez Odile Jacob. Pierre Van Hove, on peut retrouver également les imaginaires en géométrie, extension du domaine des images géométriques à deux dimensions. C'est aux éditions Zone Sensible, paru tout récemment le 21 novembre. Également la cosmologie, un laboratoire pour la théorie des cordes. C'était publié chez Duno en 2010. On met toutes les références de ces livres, évidemment, sur le site de l'émission. Mille merci à toute l'équipe, comme chaque jour, de la méthode scientifique. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Amine Naguette Saint-Vulf, Francine Lozen, Léo Quentin, Elisabeth Miro à la réalisation, à la technique Élise Leu, au droit d'auteur Raphaël Bézikian. Demain, comme chaque mercredi, nous parlerons du futur, des nouvelles technologies, en l'occurrence celles qui sont exploitées pour développer les énergies vertes. Dans un instant, vous retrouvez le deuxième épisode de LSD, la série documentaire de Perrine Kervran consacrée aux grottes de Lascaux et à l'art pariétal. On se retrouve demain, comme chaque jour à 16h, jusqu'à preuve du contraire.